T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Boston. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU for Charlie. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, allez-vous comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes le samedi 4 mars, c'est déjà, oui, la troisième émission de cette année 2017. Nous en sommes à l'épisode 382 au classement général, on va dire. Et on est reparti donc pour une heure et demie, 90 minutes de musique indépendante, 90 minutes de musique alternative, en tout cas 90 minutes de musique que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Aujourd'hui, il y a du dossier. On va parler aussi du festival de la ville de Luxembourg, du festival de cinéma, festival du film de la ville de Luxembourg. C'est la 7e édition qui s'est ouverte mercredi soir et jeudi. Donc, elle bat son plein maintenant. C'est le premier week-end. Et puis, au niveau musique, on a pas mal de nouveautés aussi. Pour ce début d'émission, on écoutera les Ukrainiens de Pagliacci, on écoutera les Tomboys, Lyndon Rivers, mais on va commencer par une nouveauté. C'est un artiste qu'on n'a encore jamais entendu dans cette émission. Il nous vient de Finlande. Il s'appelle Henrik Blomqvist. Il est accompagné de ses amis, puisque l'auteur, enfin l'interprète officiel de ce morceau qui s'appelle Place of Fear, c'est Henrik Blomqvist and Friends. Donc on les écoute tout de suite avec ce morceau, et puis après on écoutera les Tomboys avec All Dressed Up. En tout cas, ne changez rien. Nous sommes ensemble jusque 18h30. Hi, this is Imagine Dragons, and we hope you enjoy this new track. Hey, this is Elijah Tucker, and you're listening to Planet Indie. Hey, this is Mindle Beach Markets, and you're listening to Planet Indie. Life flowers, the waves, your rain tonight. Voilà, à l'instant dans les oreilles, c'était le groupe ukrainien Pagliacci avec les fleurs noires, Black Flowers. Avant cela, on a commencé cette émission avec notre ami finlandais Henrik Blomqvist et ses amis, avec le morceau Place of Fear. Et puis entre les deux, eh bien, c'était les Tomboys avec All Dressed Up, But Nowhere To Go. Si vous ne savez pas où aller ce soir, moi je vous propose d'aller au festival du film de la ville de Luxembourg. On en parlera un peu plus longuement tout à l'heure. Et puis si vous aimez bien le whisky, restez avec nous, puisque dans quelques minutes, nous partirons à la découverte de notre album Powerplay. Il s'agit aujourd'hui... je vais pas le dire, mais voilà, je vous garde la surprise. Si vous aimez le whisky, restez avec nous dans quelques minutes. Découverte de l'album Powerplay. Pour l'heure, on poursuit en musique avec Lyndon Rivers, Feel the Beat, et puis notre Powerplay du mois dernier, Arda, accompagné du groupe Le Stolen Moon, et le morceau Crazy Bridge. See you, baby. You're trying to get me right. I'm sorry, boy, no chance. I just wanna dance. I'm dancing on my own. The heat is on the ground. I'm dancing on my own, 'cause I really the beat. Dancing on.

Hardal et Stolen Moon avec le morceau Crazy Bridge. Les dernières nouvelles concernant Arda sont très bonnes puisqu'elle m'a fait savoir que l'édition limitée, enfin la version vinyle de son album, ça y est, ils étaient sortis de presse, donc elle a eu le financement, elle a réussi à l'obtenir et c'est fait. Elle a même promis de m'en envoyer un exemplaire, donc j'attends impatiemment. C'était donc extrait de son album Minutes into Years. Pour l'heure, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le powerplay de cette émission. Je vous avais parlé de Whiskey, et bien c'est un groupe basé à Auburn dans l'Iowa qu'on va découvrir aujourd'hui, et leur musique a un peu été qualifié de whisky gospel, du gospel teinté de whisky. C'est pour ça un peu que je vous parlais de whisky tout à l'heure. On a aussi qualifié leur musique de Midwestern Roots Rock, c'est-à-dire du rock authentique originaire du Midwest. Le groupe en question, eh bien, il s'appelle le groupe King of the Tramps. C'est un nom un peu particulier. On vous expliquera tout à l'heure d'où vient ce nom. C'est un groupe donc de rock, rhythm and blues, ça c'est les influences. Aussi influencé par le rock country du sud des États-Unis, de la Géorgie, style Lynyrd Skynyrd par exemple. La colonne vertébrale du groupe, c'est le guitariste et chanteur principal Todd Partridge, qui avant d'être dans ce groupe, eh bien, il a créé des musiques originales avec un autre groupe de l'Iowa qui s'appelait Salamagundi. Ils ont sorti trois albums entre 1998 et 2008. Et l'aventure des King of the Tramps, elle a commencé au début de 2010. Je dois dire que j'ai été un peu coincé pour trouver des informations concernant les King of the Tramps. Il n'y a pas grand-chose. Donc, on va plutôt les écouter. Et le premier extrait que je vous propose d'écouter aujourd'hui, si je retrouve mes fiches, c'est le morceau Last Man Standing. Je vous rappelle le nom de leur album. Ça s'appelle, je vous le rappelle, je pense que je ne l'ai pas encore donné. C'est leur quatrième album. Il s'appelle Cumplir con el Diablo. C'est le groupe King of the Tramps. Et c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. Last man standing in the front. extrait de l'album Cumplir con el Diablo du groupe King of the Tramps, c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. Et puis il y a parfois quelque chose de magique, on pourrait appeler ça des connexions magiques qui se font quand on prépare une émission, parce qu'il y a des enchaînements que j'ai même pas vus, qui se font probablement inconsciemment, puisque je vous ai dit que les King of the Tramps, eh bien, ils avaient été influencés beaucoup par la musique country rock du sud des États-Unis. Donc on pense à tous ces pays, ces états comme la Géorgie, la Louisiane, le Texas. Et bien devinez où nous emmène le morceau suivant, c'est le groupe Ravensmoreland avec un morceau qui s'intitule, ça ne s'invente pas, Ghost of Mississippi, quand on connaît l'importance bien du fleuve Mississippi pour ces états du sud. Et je vous jure, j'y ai pas pensé quand j'ai fait la préparation de l'émission, donc ça s'est fait de façon inconsciente. Et puis ça continue, puisqu'après on va rester dans le milieu aquatique avec James Sanders, lui il est originaire d'Afrique du Sud, et son morceau s'intitule Fish Fever, donc la fièvre de la pêche. Voilà, on reste dans le milieu aquatique. De nouveau, c'est, on va dire, ces connexions magiques qui se font dans la préparation d'émissions. Allez, je me tais. Ravensmoreland, Ghost of Mississippi. The ghost of Mississippi looked down on me, his white guitar glistening. Maybe he plays tonight, maybe he don't, that's alright. Decades come and go, mighty rivers flow, but tales never touch velvet. We'll be right back. Il s'appelle James Saunders, il est originaire d'Afrique du Sud et il aime la pêche puisque ce morceau s'intitule Fish Fever. Il est aussi membre de notre groupe Planet Indie sur Facebook et il a posté la vidéo de ce morceau dans la page Facebook de notre groupe. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas. Si vous voulez entrer en contact avec lui, eh bien n'hésitez pas et rejoignez Planet Indie sur Facebook. Et puis on vous a mis aussi la vidéo d'un morceau du groupe King of the Tramps. Notre powerplay aujourd'hui dans cette émission. Je vous avais dit en commençant d'ailleurs cette émission qu'on avait un gros dossier, à savoir la 7e édition du Luxembourg City Film Festival, donc le festival du film de la ville de Luxembourg qui s'est ouvert le 2 mars. Il se tiendra jusqu'au 12 mars en différents endroits de la ville de Luxembourg, à la Cinémathèque, au Cinéutopia, à Utopolis, et puis au Cercle Cité. Et le quartier général se trouve à la place de la Constitution, comme c'est le cas depuis déjà un an ou deux. Il y a pas mal de bonnes choses à découvrir. On va pas parler de tout d'un coup, on va le faire en deux fois, je pense. Au niveau de la compétition, il y a bien évidemment toujours la compétition de fiction et la compétition des films documentaires. Au niveau des films de fiction, on peut citer différents films. Un film qui s'appelle Dark Knight de Tim Sutton. Il y a le film Glory qui est un film bulgare. Il y a le film Grave, c'est un film, une coproduction franco-belge. I Am Not Madame Bovary, c'est un nouveau phénomène, c'est le phénomène chinois de cette année. Sammy Blood, qui était joué hier à l'Utopia et qui est redonné aujourd'hui à la Cinémathèque à 19h ou 19h30. Allez le voir, c'est assez intéressant. Ainsi que le film Nelly, The Love City of Z, un autre film américain qui raconte la vie d'un scientifique aventurier, Percy Fawcett, qui était un peu moqué par toute la communauté scientifique de son époque et puis qui a disparu quelque part en Amazonie. Et puis a signalé aussi le film Transpecos, un film américain qui se joue aujourd'hui à l'Utopia en salle 1 pour être tout à fait complet. Au niveau des films documentaires, j'ai sélectionné pour vous Forever Pure. C'est un documentaire qui raconte comment, du recrutement de deux joueurs tchétchènes musulmans dans l'équipe très conservatrice du Beitar Jerusalem Football Club, ça nous a mené à la plus effrayante campagne raciste du sport israélien. Quoi d'autre ? Tower, qui raconte des événements d'août 1966, lorsqu'un tireur s'est rendu au dernier étage de la tour de l'Université du Texas pour y commettre un carnage. Je vous parlerai plus longuement de la suite du programme. On retourne à la musique avec toujours de la douceur. Il s'appelle Raime Michaels, No Pedal Wheel. Et puis après cela, on écoutera David Berkeley et le morceau Hide in My Heart. I live on a dirt road. I got me a good dog. My baby loves me, and still I complain. I don't understand it. The sky could not be more blue. I'm walking in sunshine, thinking about rain. Now you think I know better, being quite the smart fella. Tell me your problem, I'll fix you right up. But I'm a little funny when it comes to my life. I was born to worry. I worried enough, facing the mirror, judging jury, finds me guilty most everything I feel. I wake up in the morning tired as an old boat, adrift on a river with no paddle wheel. When I'm happy, I can sense the danger, the invisible sorrow hiding in the joy. I want to thank my mother and sister Mary Aloysius for making me a good man who will always be that boy. Facing the mirror, judging jury, finds me guilty most everything I feel. I wake up in the morning tired as an old boat, adrift on a river with no paddle wheel. Say I love you, I get a little bit nervous. She's gonna laugh and it's gonna break my heart. And then she says I love you too, and the dark clouds drift away. Momentary rainbows like they've been there from the start. I live on a dirt road. I got me a good dog. My baby loves me. My baby loves me. She loves me and my good dog. We're a couple of lucky dogs. In love with my baby. A rise will soon be a fall. Yeah, here comes the crash. One day we break at the seams, pieces and shards, they scatter like ash. Oh Lord, I'm falling apart. Yeah, I don't know what to do. Got a hole in my heart, it's big as the blue. Oh, I got was rough. Spring brought no rain, it barely got warm. Sure, every comeback is hard. There's rocks on the road, more than there's the storm. Yeah, it knocks you down, breaks you apart. Yeah, the devil knows it's true. Moi je vous ai annoncé Hide in my heart tout à l'heure. Non, c'était Hole in my heart. J'écris tellement bien que je sais pratiquement plus relire ce que j'ai écrit sur ma playlist. Enfin bon, c'était David Berkeley. Ça, c'est assez bien écrit. Je peux le lire correctement. Retour sur l'album Powerplay de Planet Indie aujourd'hui. Il s'agit de l'album Cumplir con el Diablo du groupe King of the Tramps. Le groupe, le nom King of the Tramps qu'on pourrait traduire par le roi des clochards. L'origine, eh bien, du nom, elle est double. Il y a deux légendes, enfin deux explications pour l'origine du nom. La première, c'est eh bien ce nom fait référence à l'esprit des années d'or, quand les itinérants eh bien voyageaient à travers les États-Unis. Beaucoup étaient à la recherche de travail ou simplement voulaient ressentir la liberté de voyager dans un pays jeune, beau et aux horizons lointains. Cette image représente un peu le troubadour indépendant qui va de ville en ville et qui chante des chansons picturesques sur la beauté de ce qu'il a vu depuis la vitre de sa caravane. Et puis le King of the Tramps fait aussi référence à une légende du rail américain qui est moins connue, qui s'appelait Tex, King of the Tramps. Tex était un gars qui a voyagé à travers les États-Unis en train dans les années 30 et 40, et il laissait un peu partout où il passait une marque Tex KT pour Tex King of the Tramps, qu'il gravait sur les ponts, sur les barrières, sur les bâtiments, un peu partout où il voyageait et l'ami Todd Partridge avait vu cette marque quelque part dans l'Iowa, tout près de là où il vivait, et c'est pour ça que ça lui a donné l'envie de donner ce nom-là à ce groupe. Il avait vu ça dans la ville de Carnarvon. Voilà pour l'explication du nom King of the Tramps. On va écouter un second morceau qui s'appelle Depression. J'espère que vous n'en souffrez pas. En tout cas, on va essayer de lutter contre cela avec de la bonne musique. Et si vous avez de la depression, eh bien, ça va bouger. Power play. Power play. Just tomorrow you may never My money was broken, my spirit was broken, my dreams were broken, everything was broken. Hungry for a life, I'm broken. Rain, rain, rain, rain, pouring down on me. Rain, rain, rain, rain, pouring down on me. I don't know where to search. Pouring down me, walking along this lonely road. Hair is wet, wind hard blowing. Think I'm sad, just so blue. And baby, you know it's because of you. I never knew love could be like this. I never felt it should be like this. Baby, you see, it's not only me. And baby, it's true, it's not all of you. So rain, rain, rain, rain. Pouring down on me. Rain, rain, rain, rain. Pouring down on me. I don't know where to search. Don't know who I'll be. I only know that this rain is pouring down on me. Road is rich and far ahead. And baby, you make me feel so bad. Bad to feel this is very real. Talking it over ain't your kind of deal, yeah. Baby, just talk to me, talk to me, talk to me. Rain, rain, rain, rain, pouring down on me. Rain, rain, rain, rain, pouring down on me. I don't know where to search. I was the aching, physically, emotionally overwhelmed and depressed. Could not imagine this was my life. So baby, it's true, I have to leave. I have to leave from this sticky web you weave. From this sticky web you weave. If you can't let me be myself again. I have to go. But where? In my life, but I don't know where to fly. My heart is burning, my heart is yearning. So free, so free, rain, so free, rain, so free, rain, so free, rain, so free to be made. Me. À l'instant, c'est les Nightbirds avec... Non, pardon, The Nightbirds, c'est le prochain morceau. C'est le groupe This Human Condition avec Brother Blue. Et avant ça, c'était les Cosmic Soulfire, Rain, Rain, Rain. Ouais, il n'y en avait pas assez d'une fois, ni deux, il fallait le mettre trois fois. Rain, Rain, Rain, Pouring Down on Me. On va profiter de la fin de ce morceau pour reparler un petit peu du festival du film de la ville de Luxembourg, puisque outre les compétitions officielles et les compétitions documentaires, enfin je veux dire compétitions officielles de fiction et documentaires, il y a des invités qui vont venir, notamment Ray Liotta qui a joué dans Les Affranchis, dans Hannibal ou encore dans Secret d'État. Un hommage lui sera rendu le 5 mars à Utopolis au Kirchberg. Et dans la foulée, eh bien, il y aura le film Sticky Notes qui sera joué. Et on le retrouvera le lendemain pour une masterclass à la Cinémathèque qui est animée par Boyd Van Hooy, qui était déjà venu l'année dernière pour une autre masterclass d'ailleurs. À côté de Ray Liotta, il y aura aussi Douglas Kennedy qui fera l'honneur au festival de venir. Il se prêtera à une rencontre dédicace au quartier général et puis il évoquera les liens entre l'écriture et le cinéma, en introduisant une séance hommage à la Cinémathèque. Ça se passera donc... j'ai pas la date par contre, il faudra aller voir sur le site, j'en profite pour vous le donner, c'est www.luxfilmfest.lu. Hors compétition, vous pourrez aller voir aussi Free Fire, si vous aviez adoré High Rise l'an dernier, eh bien c'est le nouveau Ben Wheatley avec un thriller pour, qui se termine en crescendo infernal. Et puis j'ai sélectionné aussi pour vous Hounds of Love de Ben Young, qui vous plongera dans le cauchemar d'une adolescente aux prises avec un couple de serial killers. Sans oublier aussi le quartier général où il y a pas mal de choses, des rencontres publiques et professionnelles, des ateliers, la séance littéraire dont on a parlé, des masterclass et des soirées festives. Et puis aller aussi faire un tour du côté du pavillon réalité virtuelle qui se trouve au Casino Luxembourg. Il y a aussi une programmation très large, je pense qu'il y a une douzaine de films et d'expériences immersives qui vous seront proposées. Et il y aura aussi des invités, des réalisateurs et des représentants de médias. Il y a des journalistes de la BBC ou du journal El País qui seront là, des médias qui sont aventurés dans le domaine de la réalité virtuelle. Voilà pour le festival. Toutes les informations complémentaires, les tickets, vous allez voir sur www.luxfilmfest.lu. Pour le reste, nous, avant de retourner sur notre album Powerplay, on écoute le nouvel album des Nightbirds. C'est une reprise du morceau Billie Jean, parce qu'il faut vous dire que c'était Michael Jackson. She was more like a beauty queen from the movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who danced on the floor in the round room. She says, I am the one who danced on the floor in the round room. She told me her name was Billie Jean. As she crossed the scene, and every head turned with eyes that dreamed of being the one who would dance on the floor in the round room. And people always told me, be careful what you do. Don't go around breaking your girl's heart. Don't break no heart. Mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, 'cause the lie becomes the truth. Hey, hey, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one. But the kid is not my son. For 40 days and for 40 nights, love was on her side. But who can stand when she's in demand? Her schemes and plans. 'Cause we dance on the floor in the round, babe. So take my strong advice. Just remember to always think twice. To think twice. She told my baby we danced till three. Then she looked at me. She showed a photo, my baby cried. Eyes were like mine. Oh no, could we dance on the floor in the round, babe? And people always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. She came and stood right by me, and the smell of sweet perfume. Much too soon, she called me to her room. Hey, hey, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. Oh, but the kid is not my son. One. Oh, no. Oh, but the kid is not mine. Voilà, c'était la version par les Nightbirds du morceau de Michael Jackson, Billie Jean. On n'est pas en avance aujourd'hui, il est 18h14. Je vous rappelle que cette émission se tient chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30. Elle sera rediffusée demain sur cette même fréquence et aux mêmes heures. Et puis nous, on retourne sur notre album Powerplay. Aujourd'hui, l'album Cumplir con el Diablo du groupe de l'Iowa, King of the Tramps. Je vous ai dit tout à l'heure que la colonne vertébrale, c'était le chanteur et guitariste Todd Partridge. Les autres membres du groupe sont Justin Snyder, qui est aussi à la guitare. Il y a Ryan McAllister qui joue de la basse. Et les frères Adam et Ryan Hodelhalm qui jouent des claviers et des percussions. Le groupe King of the Tramps, ce qu'il voulait faire avec ce groupe, c'était trouver un son plus rock, plus libéré, plus lâche, un son qui faisait un peu penser aux Rolling Stones durant leur période Exile on Main Street, avec des influences un peu plus modernes dans la recette. Et puis surtout aussi, comme ils ajoutent avec un sourire en coin, surtout sans la plupart des problèmes légaux, les influences décadentes et les drogues que les Stones pouvaient avoir eues à l'époque. Allez, on les écoute pour un troisième et dernier extrait. Ils sont, l'album est sorti sur le label Old School Records et leur site internet c'est www.kingofthetramps.com. kingofthetramps.com. Le troisième morceau, c'est Ain't No God. Ça, c'est leur opinion. Là, leur gardera, ma foi, quand ils seront en face de lui. Au jour, eh bien, ce jour-là, ils feront moins les malins. Enfin, bon, bref, ça, c'était une petite anecdote à côté. On les écoute avec Ain't No God, les King of the Tramps. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. Powerplay. Powerplay. Force was one line.

stranded flies. Don't worry about what's next, when, where, or how. You're gonna make it. Enjoy life. So won't you risk it all, even if you fall, even if the journey's long? Won't you risk it all? C'est encore une nouveauté que l'on vous propose dans Planet Indie. Elle s'appelle Steph Sini avec le morceau Risk It All. On va devoir un peu zapper la fin parce qu'on arrive au bout de l'heure et demie qui nous est accordée. On doit encore passer en revue en vitesse la programmation de la Rocale. Le 7 du 3 à 16 avec la tournée du Manifeste. Le 9, il y a deux concerts, Deluxe et Sum 41. Le 11, c'est la Vicious Night. Ça se passera, attention, à la place de la Constitution. C'est dans le cadre du film festival. Le 12, Amy McDonald. Le 23, l'entrée sera gratuite pour le Corona Dark Album Release. Le 25, Gojira. Le 25, il y aura aussi Emily Sandé. Et puis le 1er avril, Sting nous fera l'honneur de venir. Voilà, cette émission Planet Indie touche tout doucement à sa fin. On a encore un morceau à écouter. Il s'agit de Travis Green avec Please Don't Cry. J'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale. La prochaine émission, elle se tiendra donc le 1er avril. Et ce n'est pas un poisson. 1er avril, Planet Indie numéro 383. D'ici là, eh bien, passez une bonne soirée, un bon week-end. Le podcast sera disponible sur notre site et sur notre page Facebook. Donc n'hésitez pas à nous retrouver. Et puis je vous rappelle, cette émission est rediffusée demain entre 17h et 18h30 sur cette même fréquence. Voilà, à bientôt. It's too late to say goodbye. All that's left to do is cry. When I'm gone, please don't cry for me. Seen the world and laughed and lied. Almost ready for the other side. And I feel that this right where I'm supposed to be. So please don't cry when I'm gone. Have to leave my home behind, find another place where I belong. I got time. Now I see the road ahead right in front of me. And I take a second, find myself to breathe. Don't like it, but we have to choose. Play the game, not afraid to lose. And I know that this is all that I will ever need. So please don't cry when I'm gone. Home behind, find another place where I belong. All that's left to do is cry. But when I'm gone, please don't cry for me. this right where I'm supposed to be. So please.